Chapitre 19e. Quand la princesse Adine apprit l'arrêt qui frappait son frère, elle exhala d'abord sa colère dans les termes les plus propres à lui faire partager le voyage de Sibérie, si quelque malintentionné s'était chargé de les répéter. Son frère lui en fit l'observation, et sa colère tomba aussitôt, noyée dans un déluge de larmes. « Écoute, lui dit Redzov, fort ému lui-même, il ne s'agit pas de pleurer, il s'agit de m'aider à bien vivre là-bas. « Et de quoi, grand Dieu ? Tu sais, mes biens sont confisqués. La belle comtesse Gretzky, laquelle ? La nouvelle comtesse, celle qui se marie ce soir. »« Ah ! » fit Adine avec un geste de dégoût. « Oui, celle-là même. Eh bien, c'est elle qui va administrer mes biens. Elle ou un conseil de tutelle, mais le résultat sera identiquement le même. Je ne toucherai pas un sou. Donne-moi de l'argent. Beaucoup. Tout ce que tu auras. » « Je ne suppose pas que ma demande te gêne, » répliqua Rezov un peu froissé. « Oh non, mais tu sais, je n'ai guère que des dettes. Enfin, voici ce que j'ai. » Elle prit dans un meuble un petit portefeuille et en vida le contenu sur la table. « Tout ça ?» fit Rezov en comptant les billets de banque. « 325 roubles, c'est tout ce que tu possèdes ?»« Hélas, oui. Et encore, j'ai les doigts à ma modiste qui devait venir les chercher demain. Tu sais que je n'ai jamais d'argent. Il me coule entre les doigts. » La jeune femme ouvrait les cinq doigts de sa belle main blanche pour mieux exprimer comment coulait l'argent. Redzov, penaud, réfléchissait tristement quand son beau-frère le chambellan entra fort à propos. En voyant les billets sur la table, il comprit la situation et se mit aussitôt à la discrétion de son beau-frère qui ne refusa pas. Ce n'était pas le moment de montrer de fausses délicatesses. De son côté, Gretzky avait reçu la visite de sa tante. Celle-ci ne lui fit pas de reproches, pas plus qu'il ne songea à lui en faire. La fatalité s'était mêlée de leurs affaires et chacun d'eux, avec ce fond slave de superstition qui ne disparaît jamais complètement, même à notre époque bien plus éclairée, chacun d'eux s'inclinait sous la main du destin. La comtesse remit à son neveu la somme la plus considérable qu'elle eût pu rassembler. Valérien lui-même avait de l'argent chez lui et il ne lui fut pas interdit de l'emporter. L'ordre impérial ne portant que sur les biens, c'est-à-dire sur les revenus futurs de la terre. « Ma tante, dit le jeune homme, une dernière prière. Écrivez à ma sœur ce qui s'est passé. » Je ne me sens pas le courage de lui annoncer de si tristes nouvelles. Hélène est aussi sage que j'étais fou. Combien de fois ne m'a-t-elle pas prédit que mes Freuden finiraient par me coûter cher? Elle ne croyait pas si bien dire. La comtesse resta silencieuse. Madame Marsov, née Gretzky, n'avait jamais été sa favorite. On lui reprochait une sécheresse de cœur plutôt apparente que réelle, mais qu'elle ne faisait rien pour démentir. La sagesse de ses jugements paraissait dure. La prudence de ses conseils semblait égoïste. Cependant, nul n'avait jamais eu sujet de se plaindre d'elle. Elle était bonne et faisait le bien, mais sans grâce. « Je lui écrirai, » dit enfin la comtesse. « Il faut bien que je le fasse, puisque personne ne s'en chargerait. » « Et cette personne, que va-t-elle faire ?»« Ma femme, » dit amèrement le jeune officier. « Grand bien lui fasse. Elle fera ce qu'elle voudra. Cela ne me regarde plus. » La comtesse était pensive. « Valérien, » dit-elle après un moment de réflexion. « Ce n'est pas sa faute à elle. Elle a cruellement souffert. »« Eh bien, je vais souffrir cruellement. Chacun son tour. Est-ce que vous la recevrez, ma tante ?» « Peux-tu le penser ?» s'écria la comtesse. « Jamais !» Une expression de colère satisfaite passa sur le visage du jeune homme. « Ma tante, encore une grâce. Daignez m'assister à la cérémonie de ce soir. Je n'ai plus ma mère. Ma sœur est loin. Ce n'est pas une fête, c'est un deuil pour notre maison. En temps de malheur, il faut s'entraider. »« Soit, » dit la comtesse, « j'irai à l'église. Tu pars aussitôt après ?» Valérien répondit par un signe de tête. « Mon pauvre enfant, si jeune, la ruine, l'exil. »« Redzov prétend qu'on revient de là-bas, » dit le jeune homme pour rassurer sa tante. « Oh, lui, » fit celle-ci en haussant les épaules, « il reviendra de partout. Il est de ceux qui surnagent. »« Il a pourtant coulé à pic cette fois, » répliqua Valérien avec un sourire. « Lui et ses protecteurs, c'est bien fait. Si cette bonne langue de princesse ne s'était mêlée de rien, l'affaire aurait suivi son cours. » Et vous n'auriez pas été si rudement châtié.